Vendredi soir, l'Antuquement, c'était quand même beau. Hey, c'est vrai, t'es allé te promener là. Ouais, c'est ça. T'sais, toute la fin de semaine a été quand même le fun. Hey, alors, t'as vu des faits, man, maudit chanceux. T'es pas de vie. De proche. C'est pas, faut-tu pas avoir de vie, là, sérieux. C'est le principe moderne de la fille qui veut se faire traiter de nom, comme le taré qui veut des coups de matraque à Montréal, puis qui va dans les manifs. C'est ça. Attention à tout prix. On s'est fait traiter de conne. T'agis comme une conne. Tu vas te faire traiter de conne. C'était de lire les commentaires de la fille. On comprend pas, on savait qu'on allait se faire arrêter, mais on savait pas, on pensait pas qu'on allait passer 3 heures en prison. Ben oui, qu'est-ce que tu penses qui allait arriver? Tu te promènes les seins tout nus devant des enfants, devant du monde. T'agis comme une conne, ça se peut que tu te fasses traiter comme une niaise. Exact. Si t'agis intelligemment, dans la vie, t'arrives à rien. Non, toi, t'es-tu ramassé au poste? Non. Moi, je me traîne dans la neige tout seul chez nous, mais c'est pour me rendre à mon char parce que mon entrée glisse, là, tu comprends? C'est pas une police qui vient me chercher par le fond de culotte, là. Oui. D'ailleurs, je fais partie des gens qui ne doivent pas se montrer seins nus en public, là, pour des raisons d'hygiène. Mais tes seins sont plus beaux que les siens à elle. Ah, écoute, ben, elle nous les montre, on a le droit de les juger, hein? Oui, ben, c'est elle qui a décidé de se les montrer, c'est ça. Puis, regarde, moi, je le répète, là, c'est des agissements d'imbécile. Imbécile, de crétine. Est-ce que ça se dit crétine? On va se le permettre. Regarde, puis effectivement, c'était une soirée familiale. C'est la pire place pour faire ce genre de choses-là, mais c'est des gens tellement tournés vers le nombril et le tétine qui s'en rendent pas compte. Le tétine, surtout. Fait que tous les noms que vous êtes fait crier, mesdemoiselles, vous les méritez fois 10. Ah, c'est mérité. Aucune sympathie cet matin. Non, je sais pas s'il va y avoir des accusations. Là. Il faut. Mais soyons exemplaires. Avec des gens qui n'ont aucun jugement. D'après moi, ça va peut-être finir avec un ticket ou quelque chose du genre. Oui, oui, oui. Mais c'était pas fort. C'était pas fort. Mettons que c'est pas le highlight de la fin de semaine. Non, il y a eu beaucoup de choses en fin de semaine. Oui.